Mickey. Artiste émergent, vous avez jusqu'au 1er mai 2019 pour déposer un projet dans les programmes de mentorat et de fonds de soutien aux initiatives de la relève en cinéma. Tous les détails sur premièreovation.com. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Et vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical, et Marc Chaunet à l'animation. Et on a plein de bonne musique pour vous, comme à l'habitude. Plusieurs parutions récentes, de nouveaux albums et également de rééditions. On a plein de bonne musique comme d'habitude. Quand Bruno prépare notre choix musical, on se régale. Alors, on y va avec... un groupe du Brésil, une superbe formation. Là, franchement, j'adore cet album-là, Caravela Escarlate. L'album est paru à l'origine au Brésil en 2016. Ça a été réédité sur Charisma cette année. Franchement, 2017, je crois. Oui, 2017. Puis finalement, ça a été à l'origine. Et donc, paru sur Charisma en 2018, voilà. Et c'est vraiment excellent du début à la fin. Là, j'adore cet album-là. Donc, Caravela Escarlate, album éponyme, et la pièce Cosmos. Ensuite, une réédition d'un vieux groupe, un vieil album Rufus, Newborn Day. Et ça aussi, c'est sur Charisma. On aura la pièce Day After Tomorrow. Et ensuite, on aura l'excellente formation Arabs in Aspic, tirée de Sindenis Magi. C'est la pièce Marquette. On y va tout de suite, donc, avec Caravela Escarlate. We'll be right back.

Yeah. bomben i mitten med vassene på klør, hvor ingen under andre verken lykke eller død. Ærens port lukket, den låst for deg og meg. Nøkkelen har du mistet når du ser en annen vei. Av jord du kommet og til jord skal du bli, og aldri gjennomstå før du stemmer i. Yeah. Du 23 mai au 8 juin, célébrez le 20e Carrefour international de théâtre. Une programmation de retrouvailles et de découvertes, des spectacles d'ici et d'ailleurs, des créations en chantier et des activités passionnantes. Tous les détails au carrefourtheatre.qc.ca. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Tous les vendredis dès 20h, Michel Dubois vous propose un choix éclairé de musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolite, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolite.qc.ca. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était la formation norvégienne Arabs in Aspic, tirée de leur plus récent album, c'est leur cinquième. Sindenis Magi, c'était la pièce Morquette 2. Juste avant, c'était une formation également norvégienne, mais cette fois-là, des années 70, c'est leur premier album de Rufus. Ils ont fait 6 albums en carrière dans les années 70. Celui-là était paru en 1973 à l'origine, et ça vient d'être réédité, donc l'album Newborn Day. On avait la pièce Day After Tomorrow, et on avait débuté avec la formation du Brésil, Caravela Escarlate, avec leur album éponyme et la pièce Cosmos. On poursuit avec une superbe formation américaine que j'adore, Is, qu'on aura la chance de voir dans 3 semaines, là, c'est le 18 mai, au Centre d'art La Chapelle, dans le cadre du festival Terra Incognita. Et on aura donc la pièce tirée de Crush of Night, la pièce This Reality. On aura également la formation, puis on continue avec des Scandinaves aussi. Une autre formation, une jeune formation scandinave, Kiss Kiss King Kong, tirée de leur plus récent, leur second album, Be Over Be, et la pièce Past Time. Et on terminera avec la formation de l'Islande, Lucy in Blue, jeune formation également, second album, In Flight, et la pièce A Light Part 2. We'll be right back.

l'excellente formation islandaise Lucy in Blue, tirée de leur plus récent album In Flight. Ça, c'est paru cette année. Et c'était la pièce A Light Part 2, juste avant la formation norvégienne Kiss Kiss King Kong, tirée de Be Over Be. Ça, c'est paru l'an dernier. C'était la pièce Pastime, et on avait eu la formation américaine Is, tirée de Crush of Night, un album de 2012 avec une superbe pièce This Reality. Comme vous le savez, ils seront ici, donc comme je le disais, pour faire le lancement d'un nouvel album Is. Le dernier remonte là à 2015. Alors j'ai très hâte d'entendre ça. Il y aura également cette journée-là Airbag de la Norvège et Basta de l'Italie, Basta qu'on découvrira puisque on connaît très peu cette formation-là ici. Et ben, il y a aussi le vendredi le Oak et Bjørn Riis, deux formations norvégiennes qui seront là le 17 mai. Je ne sais pas s'il reste encore des billets, peut-être quelques places là, pour le vendredi. Pour ça. Mais il y a d'autres spectacles aussi qui s'en viennent là, un peu plus proche. Là, Riverside, c'est le 14 mai, là, à la salle Sylvain Lelièvre. Riverside, c'est quand même une bonne formation. Et il y a d'autres formations qui ont été annoncées. D'ailleurs, Arena, là, ça a été annoncé qu'ils vont faire finalement le spectacle le 10 août. Et ben, on vous reparle de ça. Il y a d'autres spectacles là, qui s'en viennent, évidemment. Le 1er juin, Prague Story, que vous pouvez voir là, au Palais Montcalm. Il y a le 31 juillet, les Aristocrats au Bar Lanty. Et comme je le mentionnais aussi, il y a le Cirque Éloise là, et la musique de Serge Fiori là, dès le 20 juin au Capitole. Il y a des supplémentaires déjà. Alors, on y va un peu, puis au retour, je vous dis de quelques mots. Ou on y va tout de suite en musique au retour. Pourquoi pas, mais Bruno. On ira avec Regal Worm. Ça, c'est tiré de l'album Use and Ornament. Une longue pièce de Regal Worm, cette formation britannique. Et c'est tiré de leur deuxième album. Alors, ça, c'est au retour de la pause à l'émission Terra Incognita, le choix musical de Bruno, et c'est Marc Chaunet également qui est avec vous jusqu'à minuit. CKRL. Mercredi le 1er mai, l'émission Sortie culturelle en mode situation critique se déplace à la Pyramide de Sainte-Foy au cinéma Le Clap, et ce, afin d'inaugurer le mois du documentaire. Au menu de l'émission, une entrevue avec Pedro Ruiz, le réalisateur de « Sur les toits à Vannes » et la critique du film « Lepage au soleil » d'Hélène Choquette. C'est un rendez-vous 18h30 au Clap Sainte-Foy et au 89.1. Le samedi 4 mai, on marche ensemble afin de promouvoir la solidarité avec les personnes migrantes ainsi que la culture du partage et de la rencontre. En accordant nos pas, nous interpellerons nos gouvernements afin qu'ils adoptent des politiques plus inclusives et équitables. De 0 à 98 ans, soyons solidaires des migrants d'ici et de partout dans le monde. Plusieurs arrêts et prises de parole viendront rythmer notre marche. Le samedi 4 mai, rendez-vous à 14h à la place Diouville. 14h à la place Diouville.

89.1. It's a hard rain, they're gonna fall. Depuis plus de 50 ans, Bob Dylan incarne le folk d'Amérique dans toute sa grandeur. Je vous invite à le découvrir sous toutes ses paroles, quatre émissions durant, en compagnie d'un connaisseur passionné, Pierre Sarteau-Blanchard, les mardis 26 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, à 19h30, bien sûr à l'émission Folk d'Amérique, animée par moi-même, Gilles Chaumel, sur les ondes de CKRL. And it's a hard rains are gonna fall. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Le bloc musical s'était terminé avec la formation italienne Finisterre, tirée de leur troisième album In Ogni Luogo. Et c'était la pièce Peter's House. Et juste avant, le premier album là, de la formation Regal Worm du Royaume-Uni. Et l'album Use an Ornament. Et c'était la pièce 6:17 p.m. The Ant Turns into an Ant. Très longue pièce, là, vraiment. C'est un superbe album. Là. Moi, j'adore Regal Worm, là, cet album-là en particulier. Leur premier. Un excellent disque si vous aimez le style musical assez éclaté. Alors on poursuit pour la dernière demi-heure avec Finistère et justement on pourra les voir là, heureusement le 19 mai prochain au Centre d'art La Chapelle dans le cadre du festival Terra Incognita. Ils seront là avec Fido et également Inner Odyssey. Et Finistère, et on aura une autre pièce de cet album, In Ogni Luogo. On aura la pièce Coro Elettrico. On aura ensuite Head With Wings, formation, nouvelle formation assez récente, From Worry to Shame. Ça, c'est le titre de l'album. La pièce In Memoriam. Et on aura également du Fido, tiré de le plus récent album Infernal. Puis peut-être, s'il nous reste un peu de temps, Il Cerchio d'Oro. Et on vous en reparle. Alors, on y va tout de suite en musique avec Finistère. down, it's okay. There's a way to force a smile onto your face. If I give, I can take it away. In memoriam, we'll find a way to curb the pain and move on in our own way. In memoriam, we'll find a way. Yeah, yeah. The darkened thoughts rain over me till I before the body bombs blow. just a quick your stava continuo. Le canne sbattendo tra loro creavano ritmi africani. Nella finozza una goccia scendeva con tempi precisi e fuori cadeva la pioggia. Sdraiato in poltrona, occhi chiusi, mi fu naturale cantare una serie di note, un motivo casuale. Ma presto la pioggia ed il vento divennero sempre più forti, il suono passò dal Brasile. Ero nella mia mente, poi il ritmo si fece più intenso. E un tuono mi disse non era un samba caliente, che stava girandomi in testa, ma un rock dirompente. Sur la musique de la formation italienne Il Cerchio d'Oro que se termine l'émission Terra Incognita en ce 27 avril 2019. C'était Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation. On vous invite à aller faire un tour sur notre site web www.terraincognita.québec pour voir le détail là, des pièces qu'on fait jouer et pouvoir écouter les podcasts. Alors on vous souhaite une bonne semaine. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30, Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 Première Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animées par des spécialistes et des passionnés. Mélanie Florent nous dévoile la face cachée de la marginalité en invitant des gens qui assument leurs différences sociales. Les différents, le vendredi, 9h. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Avengers, phase finale. Ciné-voyage Polynésie française présente de Tahiti à Bora Bora,